La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, aujourd'hui jeudi, dernier volet de notre série en 4 épisodes consacrée au grand écrivain ivoirien Amadou Kourouma. C'est sur la figure d'un homme réellement libre que nous revenons depuis le début de la semaine. Libre dans sa façon de penser, comme nous l'avons vu lundi avec Jean-Michel Dian, qui nous a raconté le parcours de cet aristocrate malinqué, passé par les écoles de la colonisation, puis par l'armée française pendant son service militaire. Ce militant indépendantiste, bientôt déçu par son propre pays, qui n'a jamais voulu se ranger benoîtement derrière aucune étiquette politique. Libre aussi face au milieu littéraire auquel il n'a jamais réellement appartenu, lui qui mènera une carrière brillante dans le monde des assurances et ne cherchera jamais à vivre uniquement de sa plume, prouvant ainsi qu'il n'est pas nécessaire d'être un professionnel de l'écriture pour inventer de nouvelles formes littéraires, nouvelles formes dont nous parlions mardi avec Patrick Voisin. Enfin, que ce soit avec son premier livre, Les Soleils des Indépendances, comme avec ceux qui suivront, notamment Monnaie, Outrage et Défi, publié 20 ans plus tard, Kourouma s'est inspiré, encore une fois très librement, non pas de la littérature africaine, mais tout simplement des traditions d'Afrique. Romuald de Fonquoy nous l'expliquait hier avant que Bernard Magnier ne nous parle de son Kourouma. Et son Kourouma à lui, et en particulier du livre Allah n'est pas obligé, dont le personnage principal est un enfant soldat. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, commençons par saluer le prix Nobel de littérature Bob Dylan. Man gave names to all the animals, c'est la chanson sur laquelle on imagine qu'à présent dansent régulièrement les jurés du prix Nobel, là-haut dans le froid de Stockholm. Mais nous, c'est à Lyon que nous nous rendons pour conclure cette série sur Amadou Kourouma, où nous avons la chance d'être en duplex avec son épouse Christiane Kourouma. Et puis en seconde partie de cette émission, c'est l'écrivain tchadien Nimrod qui viendra nous donner sa vision de son père en littérature, père P-A-I-R. Il nous parlera en particulier de son utilisation des proverbes pratiques africaines qu'il souhaite interroger. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. À Paris, je voulais devenir ingénieur électricien. Je suivais des cours d'ingénieur électricien. Puis, à la fin, j'ai passé le concours commun d'entrer dans les écoles d'ingénieurs. Et j'étais admis en Nantes Construction Aéronautique et Navale. Pour avoir des bourses, parce que quand même mon économie n'était pas très très, mon économie avait été épuisée. Pour avoir des bourses, il fallait absolument que je fasse une discipline qui est un débouché en Afrique. La construction aéronautique et navale n'avait pas de débouché en Afrique. Et donc, je risquais de ne plus avoir de bourses. Je suis allé au bus, le bus m'a donné des documents concernant l'actuariat de Lyon. Je me suis présenté avec ça au ministère de la colonie. Le ministère de la colonie a dit, mais très très bien, si tu arrives à réussir ce concours, mais tu auras ta bourse. Et c'est comme ça qu'Amadou Kourouma s'est retrouvé à Lyon pour y faire ses études. Lyon, où vous vous trouvez actuellement, Christiane Kourouma, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir bien voulu reprendre aujourd'hui avec nous les grandes étapes de la vie d'Amadou Kourouma, avec une vision qui sera forcément différente de celle que nous avons eue toute la semaine, puisque c'est une vision qui est également une vision du quotidien que vous allez pouvoir nous raconter. Pour commencer, j'aimerais revenir sur ce qu'Amadou Kourouma disait dans cette archive, à savoir qu'il aurait préféré travailler comme ingénieur dans l'aéronautique, mais que ça n'a pas été possible parce que il aurait dû pour cela rester travailler en France. Est-ce que ça veut dire, Christiane Kourouma, que sa priorité à cette époque là, à la fin des années 50, c'est de retourner vivre un jour en Côte d'Ivoire et d'y construire sa vie? Oh ben absolument, ça a toujours été sa priorité de retourner dans son pays et de faire quelque chose pour son pays, parce qu'il devait quand même beaucoup à son pays. Il était boursier à l'époque et voilà, c'était son objectif. Donc il a été le premier actuaire africain diplômé. Oui. Il avait également obtenu à Lyon un certificat d'administration des entreprises. Cela lui ouvrait une carrière toute tracée de futur dirigeant d'entreprise. Oui, absolument, absolument. Est-ce que pour lui, pardonnez-moi, allez-y. Je vous en prie, non, je vous en prie. Est-ce que pour lui, cet intérêt pour l'économie, c'était aussi dans l'idée de rentrer chez lui pour œuvrer pour le développement économique de l'Afrique? Est-ce que c'était important pour lui, cette notion-là? Oh, peut-être inconsciemment, mais lui, il était fou de mathématiques. Il adorait les maths et il me disait toujours que pour lui, c'était un jeu, les mathématiques. Donc, la carrière d'actuaire lui convenait parfaitement. Et c'est un actuaire, c'est un spécialiste des statistiques, principalement dans les compagnies d'assurance, les banques. Et ça a été sa passion, son métier était vraiment sa passion, son métier d'assureur, de banquier aussi était vraiment une passion. Alors on l'a dit, vous vous êtes rencontrés à Lyon à la fin des années 50. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quel était à l'époque son rapport à la Côte d'Ivoire? Quand vous vous êtes rencontrés, comment vous racontait-il son pays? Mais écoutez, moi, je connaissais absolument rien de l'Afrique quand je l'ai connu. J'avais aucune idée des politiques africaines, des pays africains, vraiment rien. Il était le premier homme africain avec lequel je parlais. Et il me disait pas tellement quel était son but, l'avenir qu'il voyait pour lui. Et c'est... Vraiment, c'est tout ce que je peux dire. Et son rapport à la France à ce moment-là, parce que c'était à la fois le pays colonisateur et puis en même temps c'était le pays où il faisait ses études. Est-ce qu'il avait une ambivalence à ce sujet-là? Non, mais vous savez, les choses étaient tout à fait naturelles. Pour lui, il allait faire des études, il allait ensuite partir dans son pays, y faire sa vie et sa carrière. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait. Il a été tout de suite, dès qu'il a eu son diplôme, il a été appelé par le gouvernement. Il a été appelé pour mettre en place la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière en Côte d'Ivoire. Donc vous décidez de vous marier, mais tout de même, prendre une femme blanche pour épouse, est-ce que ce n'était pas le risque de provoquer un petit séisme en pays malinké? Non, on n'a pas du tout pensé à ça. On s'est connus, on s'est aimés. Et puis très vite, on a eu une petite fille. Et c'était tout à fait normal qu'on se marie et qu'on parte vivre en Côte d'Ivoire. Voilà. Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez aimé au premier abord chez Amadou Kourouma? Ce que j'ai aimé au premier abord... Bah écoutez, c'est sa simplicité. Mais je dois avouer quand même que je ne comprenais pas tout ce qu'il me disait parce que je n'avais jamais parlé à un Africain et son accent était épouvantable pour moi. Mais enfin, on était quand même bien entendus. Et j'aimais sa simplicité, j'aimais son rire, ce rire dont tout le monde parle, mais moi, la première fois que je l'ai entendu, je ne savais pas que ce rire allait m'accompagner toute la vie. Ça, c'était formidable, vraiment, sa simplicité surtout, et puis son honnêteté. Et on avait quand même pas mal de valeurs communes. Par exemple, quelles valeurs vous aviez en commun ? Ben déjà, l'honnêteté, le respect des autres, le respect des gens, l'amour des livres. Ça, moi, j'étais toute jeune, mais Amadou m'a vraiment formée en tout d'ailleurs, notamment dans la lecture. Il m'a appris à lire, il m'a appris le choix des livres. On passait tous nos samedis après-midi dans les maisons, dans les librairies de Lyon. Qu'est-ce qu'il vous a donné à lire ? Ben, le premier livre qu'il m'a offert, ça va vous paraître peut-être un peu bizarre, c'était Atatürk. Et j'ai beaucoup aimé ce livre, je me suis appliquée comme une élève d'ailleurs, je faisais mes plans, enfin j'ai beaucoup aimé ça. Alors il m'avait offert ça, le premier cadeau, et puis aussi il aimait beaucoup beaucoup la chanteuse Billie Holiday, et ce sont les deux premiers cadeaux que j'ai eus. Et puis ensuite, bon ben, il y a eu d'autres choses, évidemment. Oui, bien entendu. Mais alors, est-ce que lui, dont on a beaucoup dit qu'en fait, il ne parlait pas tellement de littérature, est-ce que vous le voyez immédiatement comme quelqu'un de littéraire ? Parce que à cette époque-là, il est actuaire, il ne pense peut-être même pas qu'il deviendra un jour écrivain. Est-ce qu'on décèle tout de même chez lui cette appétence pour la littérature, même plus qu'une appétence quand même ? Ah oui, absolument. Je vous l'ai dit, on passait déjà nos samedis dans les librairies, il achetait énormément de livres. Il aimait beaucoup, beaucoup tous les ouvrages qui sortaient, les prix littéraires. Et vraiment, les livres, c'était sa passion. Bon, il y avait les journaux, ça on l'a dit ces jours-ci. Ça, tous les matins, il lisait tous les journaux. Il s'informait énormément. Mais la littérature, c'était vraiment quelque chose qu'il aimait. Et il aimait principalement les écrivains d'Amérique du Sud. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. García Márquez. Je sais qui. Voilà, Vargas notamment Sosa. García Márquez. Oui, il avait aussi une grande passion pour Kafka. Ça, Kafka, il l'aimait énormément parce que je crois pouvoir dire que Kafka et Amadou sont des écrivains assez solitaires. Et socialement parlant, ils avaient pas mal de points communs, puisque vous le savez, Kafka a fait il disait que c'est son gagne-pain. Il travaillait dans l'assurance, comme Amadou. Toute sa vie, il a travaillé dans l'assurance. Et c'est un auteur qu'il appréciait beaucoup. Il appréciait aussi beaucoup, évidemment, Musil, Kundera. Il aimait beaucoup. Alors, évidemment, tout ça, on en a parlé, on en parle toujours. Le déclic qu'il a eu en lisant Céline. Voilà. Vous vous souvenez de ce moment-là ? Est-ce qu'il vous en a parlé ? Est-ce qu'il vous a dit, en relisant ou en lisant Céline, voilà, j'ai envie d'écrire maintenant. Moi aussi, j'ai envie de travailler la langue française. Non seulement il l'a dit, mais il nous a imposé Céline, parce qu'il y avait des exemplaires du livre du Voyage au bout de la nuit dans toutes les maisons où nous allions. Dans sa valise, sur sa table de nuit, dans notre maison de campagne, à Abidjan, à Lyon, enfin bref. Ça a été vraiment une lecture fondamentale pour lui. Il vous a imposé parce que vous ne vouliez pas avoir autant de Céline autour de vous ? Non, moi je l'ai lu aussi, mes enfants l'ont lu. J'ai un de mes fils qui peut vous citer par cœur des passages entiers du Voyage au bout de la nuit. Enfin, ça, c'est un livre qui a marqué toute la famille. Mais évidemment... Amadou a été séduit par Céline, par sa façon de faire passer le français oral, si vous voulez, tel qu'il était parlé par les Parisiens. Et Amadou avait trouvé, si vous voulez, la clé pour malinquiniser le français dans ses romans. Parce que tout ce qu'il écrivait en français, ça ne sortait pas. Il n'avait pas vraiment, il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Ses personnages étaient fades. Et ça le rendait triste, il vous en parlait ? de ces tentatives-là. Il cherchait. Vous savez, Amadou, il faisait d'abord un premier jet, et puis un deuxième, puis un troisième. Il a fait beaucoup, beaucoup d'épreuves avant d'arriver à la mouture définitive. Mais au sujet de Céline, on l'a déjà dit, mais j'insiste sur le fait qu'il n'a jamais adhéré à l'idéologie qui était sous-jacente à cette œuvre. Vous voyez, même s'il en avait, et même s'il le relisait pratiquement chaque fois qu'il allait écrire un nouveau roman. Alors Christiane Kourouma, vous avez donc quitté avec votre mari la France en juillet 1961 pour aller vivre à Abidjan. Votre vie sera essentiellement une vie en Afrique. À quoi ressemblait cette vie africaine avec Amadou Kourouma ? Écoutez, moi je n'ai pas été très dépaysée parce que c'était encore l'époque coloniale. La plupart des boutiques, dans la plupart même des administrations, ont trouvé énormément de blancs. Alors pour moi, c'était pas une grande coupure, si vous voulez. Et puis, on habitait au dernier étage de la caisse de compensation à l'époque. Et la plupart, beaucoup d'employés blancs sortaient de la caisse aux heures de sortie des bureaux. Tous les immeubles d'Abidjan, les beaux immeubles d'Abidjan, étaient occupés par des blancs. Alors pour moi, la cassure n'était pas quand même très grave, si vous voulez. Je me retrouvais quand même dans un certain contexte français. Mais peut-être que... Oui, dites-moi. Oui. Non, je vous en prie. Peut-être que ce n'est pas immédiatement après votre arrivée que la vie va être un petit peu plus difficile pour vous. Il va falloir attendre que Oufouette Boigny vous pose des problèmes, en fait, parce que Oufouette voyait des communistes partout et que votre mari était de gauche, un peu marxisant peut-être. Et là, pour vous, ça va être quand même plus difficile. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous vous souvenez de cette période-là ? Mais je m'en souviens très bien, mais je vous avoue que les problèmes se sont posés au fur et à mesure. Et finalement, on n'a pas été parmi les plus malheureux. Et puis, on était ensemble. Et la vie continuait. Et on trouvait toujours des solutions. Bon, évidemment, souvent, on a été obligé de partir en exil. Un exil choisi, parce qu'on ne pouvait plus travailler dans le pays. Mais c'est quand même pas rien, ça, Christiane Kourouma, d'être obligé de partir en exil. Non. Parce que chaque fois, Amadou... Non. Parce que la situation sur place était telle pour beaucoup de nos amis, c'était tellement difficile pour eux, beaucoup plus que pour nous, parce que nous, chaque fois, Amadou retrouvait un poste intéressant, important. Donc déjà, sur le plan matériel, il faut le reconnaître, on n'avait pas trop de problèmes, mais c'était la souffrance morale qui était dure, très très très dure, surtout pour Amadou. Vraiment. Et puis, il y avait ses amis qui avaient été emprisonnés, parce que lui a été emprisonné, mais comme vous étiez française, l'ambassade a sorti votre mari rapidement, l'ambassade de France a sorti rapidement votre mari de prison, mais ce n'était pas le cas tous ses amis. Voilà, on avait peur que moi, j'alerte l'ambassade et on ne voulait pas que la France se mêle de ce genre de problème, de ces faux complots de 63, par exemple. Et... nos amis, eux, souffraient véritablement, parce que beaucoup sont morts d'ailleurs en prison. Je pense entre autres à un très très bon ami d'Amadou, Ernest Boka, qui a été suicidé en prison. Je pense à ceux qui ont perdu leur vie de famille, qui ont perdu énormément, qui sont ressortis complètement démolis. Voilà. Et puis ensuite, tous ces hommes jeunes et qui croyaient vraiment à la Côte d'Ivoire, ont été divisés entre eux. Leur amitié n'est jamais revenue comme avant. Donc nous, franchement, ne serait-ce que pour le couple, c'était peut-être pas si mal que ça d'être loin du pays, parce qu'on était beaucoup plus soudés ensemble. On avait besoin l'un de l'autre, si vous voulez, pour vivre ces moments-là. Voilà. Yes, I'm away, En Afrique, on était obligé d'être opposant. Il suffit d'avoir un petit bon sens. On ne pouvait pas être pour la colonisation d'abord. On ne pouvait pas être pour la guerre froide qui a aggravé la colonisation sans y apporter des solutions. De telle façon que tout ce qui arrive, tout ce qui est arrivé, oblige des gens de bon sens à être un peu de l'opposition. Et face aux dictateurs, encore plus, on ne peut que s'opposer et souvent s'exiler. Oui, on s'oppose, on ne peut que s'opposer à un dictateur, on ne peut pas faire autrement. Mais il y en a qui se soumettent sans rien dire. Oui, il y a des gens qui se soumettent, en Afrique surtout, il y a beaucoup qui se soumettent. On se soumet, c'est pas parce qu'on veut, mais c'est parce que le contexte familial, quand on arrive, on a des parents qui sont dans la misère, et lorsqu'on gagne quelque chose, on peut les aider, et ça aussi, ça amène beaucoup de personnes à se soumettre. Est-ce qu'écrire, c'est aussi une manière de s'opposer, de résister, peut-être même de combattre? Oui, écrire n'est pas, est une façon de s'opposer, c'est de présenter la réalité pour que les gens réfléchissent à cette réalité. C'est peut-être ça. Mais c'est certainement pas, c'est pas l'écriture qui peut faire tomber un dictateur. C'est pas l'écriture qui peut amener à avoir le pouvoir. Mais comme on ne peut rien faire, on se contente de ce qu'on peut. Christiane Kourouma, je ne sais pas si vous avez pu écouter les épisodes précédents de cette série, mais on a beaucoup parlé du rapport de votre mari à la politique, et là on vient de l'entendre de nouveau en parler dans cette archive extraite d'une interview avec Alain Van Steen. Est-ce que je peux vous demander, dans le cadre familial, s'il parlait beaucoup de politique et comment il en parlait ? À la maison, c'est vrai, nous étions très très politisés. Beaucoup de repas avaient comme intérêt principal la politique. Et je confirme ce qu'Amadou vient de dire. Moi, il me disait toujours, et il l'a dit dans des interviews, qu'il serait toujours un opposant tant que l'Afrique ne sera pas libre et démocratique. Et moi, je me souviens, dans les années néocoloniales, il me disait, quand on est africain, face à tous ces dictateurs, on ne peut que pleurer. Parce qu'effectivement, à cette époque-là, la parole n'était pas libérée. Et je sais qu'il est parti avec cette souffrance morale, qui était beaucoup pire pour lui que la souffrance physique, la souffrance morale de voir sombrer son pays. Il me disait d'ailleurs à ce moment-là, lorsque je comptais ce qui s'est passé au Libéria, dans Allah n'est pas obligé, je pensais que de tels événements ne pourraient pas exister en Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi qu'il commença d'ailleurs tout à la fin de sa vie, l'écriture de « Quand on refuse, on dit non ». Cette plaie, si je peux me permettre, oui, bien sûr. Pardon, si je peux me permettre, au sujet de ce petit livre qui est sorti vraiment après son décès, je voudrais préciser quelque chose. Pourquoi nous l'avons fait éditer ? Parce que souvent, certains ont pensé que c'était pour un succès de librairie. Parce qu'il n'était pas terminé, c'est ça ? Ce livre n'était pas fini. Mais ça, c'est sûr, d'autant plus que Amadou faisait toujours plusieurs jets de ses écrits. Et là, à l'époque, quand il a appris sa maladie, il était sur, c'est vraiment dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas pu le terminer, un ouvrage sur Sékou Touré. Ça allait être quelque chose d'extraordinaire. Mais il ne l'a pas fini. Et les filles, mes filles, nos filles, lui ont demandé, papa, le voyant souffrir, papa, écris donc, ça te fera du bien, laisse ton travail sur Sékou Touré. Et il a écrit, il avait tout le temps son ordinateur avec lui, même à l'hôpital. Et la veille de son opération, il avait encore son ordinateur, il ne voulait pas me le rendre, parce qu'il voulait encore écrire. Quand on refuse, on dit non. Et la chirurgienne est intervenue en disant « Monsieur Kourouma, soyez raisonnable, etc. » Et je lui avais promis, ce sont nos dernières paroles, je lui avais promis qu'il le retrouverait le lendemain. Voilà. C'est pourquoi on a voulu absolument éditer ce petit ouvrage. évidemment, certes pas fini, pas du Kuruma, mais vraiment, ça correspond à quelque chose de très important, était très sentimental pour nous. D'ailleurs, ce titre, Quand on refuse, on dit non, et ce que vous venez de nous dire sur votre mari le confirme, oui. Ça lui ressemblait beaucoup, Quand on refuse, on dit non. Oui, oui. C'était quelqu'un de direct, Amadou. Quand il vous disait oui, c'était oui, mais quand il avait dit non, c'était non. Jean-Michel Dian, que nous avons reçu lundi dernier, dit dans sa biographie qu'il y a un côté surhomme chez Kuruma, et en effet, il travaillait beaucoup pour la société de réassurance, la Sicare. Il travaillait la nuit, nous a-t-on dit, sur ses romans. Il a également voulu avoir une famille nombreuse. Est-ce que ce qualificatif de surhomme, vous le reprendriez à son compte? Mais il m'est arrivé d'y penser, oui, parce que je le voyais tellement s'occuper de tous azimuts, de tout, de choses tellement variées, de sa grande famille, c'était aussi un grand sportif, il faisait beaucoup de sport, mais c'était quelqu'un de très discipliné, en fait. En fait, Amadou, c'était un militaire. Il avait vraiment une façon d'agir comme les militaires. Il programmait les choses, il faisait les choses qu'il avait dites, et je ne l'ai jamais, jamais vu abandonner un projet. Par exemple, ça, je l'admirais beaucoup pour ça. Voilà. Votre fille Nathalie a dit que c'était un étranger total. Et votre fille cadette, Sophie, a dit de lui, toujours d'après Jean-Michel Dian, qu'il n'avait aucune certitude, qu'il était seulement intègre et transparent. Est-ce que ça signifie que personne, peut-être vous, mais à part vous, personne ne savait ce qu'il pensait réellement? Ce n'est pas faux ce que vous dites. Ce n'est pas faux ce que vous dites. Par exemple, évidemment c'est difficile pour moi, mais ces jours-ci, j'ai été extrêmement intéressée par les propos des éminents spécialistes. Évidemment, les miens seront différents, je pense, parce qu'ils ne peuvent pas avoir la même teneur, parce qu'Amadou était pour moi l'homme de ma vie, et ce n'était pas pour moi l'homme de ses livres. Et lui-même, il était très honoré par ce que disaient les personnalités qui commentaient son œuvre. Et il était, comment dire, il était à la fois très amusé et très circonspect de les entendre, parce qu'il parlait de lui comme d'un écrivain, alors que lui, il se vivait comme un homme de lettres, amoureux des lettres, amoureux des mots. Voilà. Vous pensez qu'on ne l'a pas compris finalement? Vous pensez que ce qu'on a dit toute cette semaine, c'est à la fois vrai et à la fois, c'est pas tout à fait l'homme que vous avez connu? Ben oui, oui, oui, oui, oui, oui, un petit peu de ça, si vous voulez. Parce que c'était un homme tellement naturel, pas compliqué. Je vous dis, il était étonné de tout ce que les gens pouvaient penser, analyser, décrypter de son œuvre. Moi-même, il m'a eu dit, mais si j'avais tout ça en tête, je crois que je serais devenu fou. Mais enfin, ça, c'est le travail des spécialistes, hein, d'analyser, de décrypter un écrivain. Et Amadou tenait beaucoup à ce titre « homme de lettres ». D'ailleurs, il l'avait mis sur sa carte de visite. Il ne mettait pas écrivain, il mettait « homme de lettres ». Parce qu'il aimait les mots, voilà. Et quand il a reçu le livre Inter en 1998 pour En attendant le vote des bêtes sauvages, puis le Renaudot en 2000 pour Allah n'est pas obligé, c'était quand même une reconnaissance en France, une reconnaissance dans le monde. Est-ce que, rétrospectivement, vous pensez qu'il a regardé sa vie différemment et aussi tout son trajet, tout le trajet qu'il a fait dans sa vie différemment à la lumière de cette reconnaissance relativement tardive mais tout de même très importante? Ben, peut-être, mais il ne le disait pas. Il ne le disait pas, mais je sais qu'il était tellement heureux, très heureux. Il avait même, si vous voulez, des réactions comme aurait pu avoir un enfant à qui on avait donné une médaille à l'école. Il était heureux, mais il ne se confiait pas tellement sur ce qu'il ressentait. C'était quelqu'un qui se vantait pas. C'était quelqu'un qui était simple. Voilà. Dernière question, Christiane Kourouma. 3 de vos enfants sur 4 vivent et travaillent en France. Votre famille, un peu par nécessité, vit un nouvel exil depuis les années 2000. Enfin, bon, vous êtes rentré à Lyon. Est-ce que vous diriez que la famille dans son entier s'est recentrée sur la France, et est-ce que votre mari aurait préféré au fond que ses enfants continuent de vivre en Afrique? Oh non, pas du tout. Pas du tout, non, non. Il n'avait pas cette préférence-là. Ce qu'il voulait, c'est que ses enfants étudient, que ses enfants aient des postes intéressants. Là, il ne serait pas déçu du tout. Non, mais non, qu'il n'ait pas pu terminer sa vie en Afrique, c'était un regret ou pas pour lui? Oh ben ça, certainement. D'ailleurs, dans nos projets de retraite, on pensait faire quelques mois en Afrique, quelques mois en France. Et ça n'a pas pu se faire. Ça n'a pas pu se faire. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Un très très grand merci à vous, Christiane Kourouma, d'avoir bien voulu évoquer avec nous quelques souvenirs de votre mari. Merci beaucoup. Et tout de suite, sur France Culture, nous poursuivons cette émission. C'est le moment d'En compagnie des revues. Le jeudi, ce sont nos amis de l'Obs qui viennent nous voir. En l'occurrence, aujourd'hui, Bernard Géniès, qui s'occupe à l'Obs des arts plastiques. Et puisqu'on est dans l'interculturel, d'une certaine façon, le continent noir, eh bien, nous avons trouvé un lien, puisque vous nous parlez de l'exposition qui se tient en ce moment et jusqu'au 15 janvier au musée du Quai Branly et qui s'appelle The Color Line, les artistes africains-américains et la ségrégation. Bonjour Bernard. Bonjour. Comment avez-vous trouvé cette exposition? Alors, juste pour faire un petit lien avec ce que vient de dire Madame Kourouma, elle cite parmi les artistes préférés de Kourouma, Billie Holiday. Dans l'exposition, on entend une chanson qu'interprétait Billie Holiday à partir des années 30 qui s'appelle Strange Fruit, donc ces fruits étranges. Ces fruits étranges, les paroles nous apprennent que ce sont les fruits trop souvent portés par les peupliers dans le sud. Traduction, ces fruits étranges, en fait, ce sont les Africains-Américains qu'on lâche et qu'on pend aux branches d'arbres. Donc c'est une entrée en matière qui nous permet de faire un lien, en effet, avec cette exposition, qui est une exposition qui nous dépeint, qui nous raconte l'art africain-américain depuis la fin du 19e siècle, jusqu'à nos jours. Alors au centre de cette exposition, évidemment, on trouve la question de la ségrégation et la manière dont, dans différents champs de la société, les Noirs vont subir cette ségrégation aux États-Unis. Alors ils vont la subir de manière évidemment violente et de manière aussi insidieuse. Si on prend par exemple les artistes plasticiens, les peintres, il est évident que pendant très longtemps, les portes des galeries et des musées vont leur être fermées. L'art africain-américain est considéré comme inexistant. Jusqu'à quand à peu près? On va dire que c'est peut-être après la Deuxième Guerre mondiale que petit à petit l'art africain-américain entre dans les musées. Mais du coup, j'imagine qu'il y a des tas de pièces qui ont été perdues à jamais, puisque pas conservées, puisque n'entrant pas dans les musées. Oui, je pense certainement, d'une part, ou peut-être même ont été détruites par les artistes eux-mêmes, qui peut-être lassés de ne pas pouvoir travailler. Détruisent leurs œuvres, mais on découvre dans l'exposition des choses assez étonnantes, notamment à la fin du 19e siècle. Il y a un artiste africain-américain qui vient, qui s'appelle Henry Tanner, qui vient travailler en France et qui va travailler notamment à Pont-Aven, aux côtés de Gauguin. C'est assez étonnant. Et en fait, il vient en France parce qu'il dit c'est le seul pays où on peut peindre comme on souhaite peindre. Et en fait, ce qu'il souhaite peindre, on va dire, c'est un peu paradoxal. Il va peindre des sujets religieux. Il va peindre un de ses tableaux les plus célèbres. Ça représente un petit sabotier. Mais ce que ça veut dire à travers ce qu'il pense, c'est que la liberté qu'il a, c'est celle de pouvoir travailler entièrement. Et donc de pouvoir s'inscrire au sein d'une école, celle de Pont-Aven, au sein d'une série d'expositions qui vont avoir lieu à Paris. C'est quelqu'un qui va mourir à Paris, par exemple, à la fin des années 30. Donc c'est vrai que dans un premier temps, la ségrégation va occulter toute une série d'expressions qui vont ne trouver a existé qu'à partir, on va dire, des années 20. Il y a aussi la question des lynchages, évidemment, qui est importante dans l'exposition. Ce qu'on voit dans l'exposition, il y a beaucoup de reproductions de magazines, de journaux de l'époque, qui reproduisent des photographies. C'est vrai que certains lynchages sont organisés de manière un peu comme un spectacle. Hein. C'est un cirque, il y a une heure, il y a un jour, on vient en famille, on vient assister à ces lynchages qui sont quelquefois extrêmement violents. Et j'avoue que c'est vrai que la répétition des images, il y a un mur entier dans l'exposition consacré à ces lynchages, fait beaucoup réfléchir. Parce que, évidemment, on peut dire que tout ça est très loin. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans certaines villes américaines, on dit qu'on n'est peut-être pas dans la situation du lynchage, mais on sait tous les incidents qui ont opposé... Avec les policiers, avec les policiers. Ça fournit une matière un petit peu d'écho assez étonnante quand même, je trouve. Oui, l'histoire, effectivement, arrive jusqu'à aujourd'hui. Le moment des révoltes, également, est représenté forcément dans cette exposition au Quai Branly. Le mouvement des révoltes, celui qui nous est le plus proche, nous, contemporains, c'est évidemment celui des années 60, avec le Black Panther, les Black Muslims, qui sont en effet des mouvements qui vont afficher, c'est l'époque du Black Power, c'est l'époque du Black is Beautiful. On se pose plus la question de la compromission, de la ségrégation, on passe directement et assez violemment, mais avec autorité, à la question de l'affirmation. Nous sommes des Africains américains, nous sommes des sportifs, des musiciens, des hommes d'affaires. Hein. Récemment vient d'être publié un livre sur l'histoire de Tamla Motown. Tamla Motown, c'est un label de musique africaine-américaine, pas uniquement d'ailleurs, qui va s'affirmer à partir de la fin des années 50. Et là, on passe, on pourrait dire, si on veut, à une phase active violente, et active tout court quelquefois. Dernière question, Bernard Géniès, est-ce que, au fond, vous avez le sentiment que cette exposition, elle est davantage sur l'histoire des Africains-Américains, ou c'est davantage une exposition réellement artistique, si l'on peut dire ? C'est vrai que la part documentaire et historique est la plus importante. La partie artistique existe vraiment avec l'art contemporain aujourd'hui, même déjà, on peut dire aussi, années 30, 40, mais c'est vrai que c'est une exposition d'histoire. Merci beaucoup, Bernard Géniès. Dernier moment de cette compagnie des auteurs consacrée à Amadou Kourouma. Nous recevons l'écrivain, poète et essayiste Nimrod, qui a publié en 2008 chez Actes Sud un recueil d'essais littéraires intitulé « La nouvelle chose française », dans laquelle il analyse son statut d'écrivain exilé pour tenter de comprendre ce dont il retourne quand on écrit loin de chez soi. Et l'un des essais est consacré à Kourouma et notamment à l'utilisation des proverbes dans sa littérature, car il en utilisait beaucoup. En Afrique, lorsqu'on raconte ou bien lorsqu'on parle, on utilise beaucoup de proverbes. Les proverbes permettent d'abord de se reposer et puis ça permet de réfléchir. Et les proverbes en Afrique sont matériels, sont réels, ils portent sur des choses réelles. Donc, quand il y a une discussion devient très très théorique, on passe par des proverbes pour l'amener à terre, pour le faire, pour le rendre beaucoup plus réel, beaucoup plus pour l'informer mieux. Oui. Voilà. Vous dites que le proverbe, c'est le cheval de la parole. Voilà, le cheval, c'est le cheval de la parole, parce que le proverbe, quand on est ennuyé, quand on ne sait pas ce qu'il faut dire, quand on passe un proverbe, ça vous permet d'enchaîner et de partir. Dans certaines situations un peu périlleuses, difficiles, c'est évidemment pratique de se réfugier derrière un proverbe. Voilà. Hein? Le proverbe, c'est quand même essentiel dans les discussions africaines. Et dans les discussions, même chez les anciens, il arrive qu'on donne raison à celui qui a trouvé le meilleur proverbe. Ce n'est plus la raison comme on a, c'est celui qui a trouvé, qui a trouvé le meilleur proverbe, qui a les proverbes les plus parlants, qui s'imposent. Ouais. Bonjour Nimrod. Bonjour. Je vous vois sourire en écoutant la voix de Kuruma dans cette archive où il parle des proverbes. C'est votre sujet, ça, les proverbes. C'est mon sujet. Du moins, j'ai été forcé d'aborder ce sujet parce que pour tout dire, je n'y comprends rien. Ah, à quoi, aux proverbes ou à Kuruma? C'était génial tout à l'heure cette archive, parce que je sais pas, et je m'accroche plutôt aux mots de Jean-Philippe Gian le lundi quand vous les receviez. Il définissait Kuruma comme une tête de Janus, et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Qu'est-ce qui est vrai là dans le proverbe? Kuruma dit, c'est le réel. Et le proverbe qui nous est asséné comme le réel, c'est le cheval de la parole. Cheval, oui. Le proverbe, c'est le cheval de la parole. Mais nous ne sommes plus dans le réel. Nous sommes dans la métaphore. Nous sommes dans la transposition. Que dit Borges ? La métaphore, nous sommes dans la transposition, nous ne sommes plus dans le domaine du réel, nous sommes dans un autre domaine déjà. Donc nous avons, et Kuruma vient déjà à notre rescousse, il dit, d'ailleurs, la discussion est close quand quelqu'un produit le meilleur proverbe. C'est-à-dire que c'est juste une joute, c'est une manière d'être en communauté. C'est ça le proverbe. On se colle du réel. On s'en fout du réel. Mais le proverbe, c'est la littérature. Et parfois, la littérature, elle est plus réelle que ce qu'on appelle le réel. Et voilà. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. c'est ça tout le problème. C'est ça tout le problème. Et c'est pour ça que toute cette discussion, quand on va dans la littérature de Kuruma, on dit, d'un côté il parle de l'Afrique précoloniale et d'un côté il parle de l'Afrique actuelle. Jamais, les deux ne sont jamais, jamais séparés. Ces romans du début... On dit qu'il parle de l'Afrique précoloniale. En vérité, si on veut trouver une ligne comme ça de démarcation, il y a d'un côté l'Afrique aristocratique. Fama, ce sont des aristocrates. Le second roman, Monet, Outrage et défi, c'est encore l'Afrique aristocratique. En attendant les bêtes sauvages, ce sont des aristocrates compradors, c'est-à-dire nos grands dictateurs là. Nous arrivons au peuple vraiment... avec « Allah n'est pas obligé ». Ou alors là, jusque-là, on se tenait, cette Afrique, et son écriture, d'ailleurs, poursuit cela. C'est-à-dire que le style se tient. Il se tient de manière très, très forte. Et à partir de « Allah », l'écriture devient baroque, il devient peuple. Il devient vraiment peuple. Et qu'est-ce qu'il... Jusque-là... Il dit Allah, il se tient, et là il dit foutaise, foutaise, foutaise, foutaise, foutaise, foutaise. Et en fait, même le proverbe, ce n'est qu'une belle foutaise. Mais alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire, Nimrod, qu'au fond, depuis le début de cette semaine, on explique un Kuruma qui, pour vous, n'est pas le vrai Kuruma? Ce n'est pas qu'il n'est pas le vrai Kuruma, c'est-à-dire qu'on ne prend pas tout Kuruma. Et Jean-Michel l'a dit dès le début, on ne prend pas les deux têtes ensemble. Et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas, selon vous? Mais tout simplement à cause de toute cette savanterie. Parce que on ne prend pas l'écrivain, Madame Kuruma, tout à l'heure, je m'excuse, j'ai eu tous les déboires de la circulation contre moi. J'avais une marge énorme et je n'ai plus eu de marge de tout. Et je m'excuse pour Madame Kuruma. Vous êtes arrivé en retard, mais les auditeurs ne le savent pas. Ça. Oui, mais surtout pour saluer Madame Kuruma, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Elle était à Lyon, donc de toute façon, oui, vous n'auriez pas mais au moins, j'aurais pu le saluer au micro. Donc, toute, toute cette savanterie comme ça qu'on ne tient pas et qu'on ne voit pas que Kuruma est un grand auteur classique. Et que fait le baroque? Le baroque fait beaucoup comme ça de bruit parce qu'il y a l'armature classique qui court là, en dessous. Et mais c'est tout simplement cela. Alors Nimrod, quand même, pour bien comprendre ce que vous nous dites, est-ce que c'est un reproche que vous adressez à Kuruma d'utiliser les proverbes? Parce qu'il utilise énormément de proverbes. On parlera peut-être tout à l'heure en particulier de l'un de ses livres dans lesquels il y a un proverbe au début de chaque chapitre, c'est en attendant le vote des bêtes sauvages. Mais finalement... Donc, dans Monet aussi. Et dans Monet également. Mais est-ce que cette utilisation des proverbes, c'est une façon de se débarrasser pour vous d'autre chose? Mais bien sûr. Donc c'est un reproche? Pas du tout, pas un reproche. Comme ces gens Genet. Quand il utilise le cliché, c'est pour le déconstruire en même temps. Et c'est ce que fait Kuruma. Donc Kuruma se moque de l'utilisation qu'on fait des proverbes. Mais comme de la tradition. Il célèbre la tradition en le déconstruisant. Ça, c'est très intellectuel, ça. Mais il n'y a pas plus intellectuel que Kuruma. Sa femme disait, il n'y a pas plus simple que mon mari. Mais il n'y a pas plus intellectuel, sans cela il n'écrirait pas des livres. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la place du proverbe dans la société africaine? Puisque c'est peut-être aussi ça, ce que vous nous dites, c'est que ce dont parle Kuruma, c'est justement de la société africaine à travers l'habitude qu'a l'Afrique de se cacher, c'est ça? Derrière les proverbes. Mais bien sûr. Et c'est donc une critique de l'Afrique. Mais c'est non seulement une critique de l'Afrique, mais c'est la manière d'être de l'Afrique. C'est la manière même, je crois que le seul intellectualisme permis par l'Afrique, c'est le proverbe. Que vous soyez ministre, que vous soyez philosophe, que vous soyez étudiant, que vous soyez médecin, tout ce qui vous est permis, c'est le proverbe. C'est l'expression proverbiale. Quand vous le maîtrisez, vous mettez tout le monde dans votre poche. Agatha, tu mens. Je te dis que tu m'as menti. Et oui, tu m'as bien entendu, hein. Moi-même, ton mari, est-ce que je t'ai demandé de me mentir? Hein? Hein? Alors Nimrod, on a dit qu'on allait parler en particulier d'En attendant le vote des bêtes sauvages. C'est presque un proverbe ça d'ailleurs comme titre. Allah n'est pas obligé, ça c'est aussi un proverbe. Déconstruit en même temps, parce qu'il faut citer jusqu'au bout. Mais comment vous expliquez que personne ou très peu de gens soulèvent cette question-là en particulier? Parce que le proverbe est un court-circuit. Il vient court-circuiter la pensée. Oui, mais il vient l'ouvrir aussi. Il l'ouvre pas, en fait. Comme la poésie, non? Non, pas du tout. C'est l'antipoésie par excellence. Il vient court-circuiter la pensée. Jean-Michel, encore, je reviens à lui, il a dit quelque chose de très très intéressant. Il dit, quand Kuruma faisait des conférences, c'était presque une catastrophe. Quand il prenait la parole, c'était presque une catastrophe. Mais quand il donnait un proverbe, il ralliait tout le monde à lui. C'est ça. J'ai vu des gens tout à fait médiocres dans la société africaine, mais parce qu'ils savaient placer des proverbes ici et là, ils ralliaient tout le monde. Il ralliait tout le monde à cause de ça. Mais parce que ça joue comme un baume sur la pensée. Et ça met tout le monde d'accord. Mais ça met tout le monde d'accord sur des stéréotypes, sur des nullités. Ça ne donne absolument rien. Et donc le personnage de Koyoga, le président Koyoga, voilà. Qui est donc le personnage de En attendant le vote des bêtes sauvages, qui est quand même un dictateur, hein, mais oui. Disons-le très clairement. Eh bien, alors d'abord, il aime bien qu'on entende, enfin, il aime bien entendre parler de lui. Donc, il organise des veillées. Comme tous ses personnages, d'ailleurs, tout dans tous les romans. Il organise des veillées. Et à chaque veillée, on doit raconter un moment de son histoire glorieuse. Il y a 6 veillées et chacune est donc divisée, enfin non, chacune est donc placée sous le signe d'un proverbe en particulier. Vous les avez en tête ou les citations, vous faites-moi pas confiance. Alors, si la perdrix s'envole, son enfant ne reste pas à terre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, déjà? Comptez pas sur moi. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut bien dire? Ah bah là, justement, si ça veut rien dire, ça veut dire que ça laisse ouvert le champ des possibles. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui enferme. Souvent, c'est tautologie. Ce n'est qu'une vaste tautologie. Vous voulez me donner la page? Ah, oh non, j'ai pas la page, ah je suis bon, désolé. Ah oui. Mais j'en ai d'autres en revanche, je peux vous dire. Oui. Je peux vous citer, c'est la deuxième veillée, je crois. Oui. C'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle. Oui, c'est ça. Là, vous me donnez la superbe corde. C'est-à-dire, c'est ces évidences qui ne donnent rien. Parce que la vraie évidence ne se voit pas. Ça, c'est l'évidence. Mais oui, qu'est-ce que tu as dit d'autre? Mais évidemment, ça mène nulle part, ce que tu viens de nous asséner là. C'est creux, c'est nul, il enfonce des portes ouvertes. C'est ça. Et tout le monde applaudit, et c'est comme ça. Et d'ailleurs, Kuruma disait cette chose superbe, il dit ça, je crois, c'est dans un entretien avec Catherine Boimbert sur cette même... À voix nue, oui, on en a utilisé des extraits. Et c'est ça, et il dit, évidemment, cette culture, si elle était si progressiste que ça, on s'en serait bien sorti. Et dans mon outrage et défi, je retrouve pas ce passage. D'ailleurs, le roi Jigi dit, finalement, ça ne donne rien. Ça ne donne absolument ni les prophéties, ni Allah, ni les féticheurs. Ça ne donne absolument rien. Mais est-ce que la pensée cartésienne de l'Occident est meilleure, selon Kuruma, de ce point de vue-là? Est-ce qu'il l'a préférée, finalement? Il a dit, je crois que dans au moins sur le plan de l'efficacité. Au moins ça, ouais. Il le reconnaît. Vous avez reçu le prix Amadou Kuruma, Nimrod. Est-ce que ça a été pour vous un plaisir particulier, que ce soit ne serait-ce que Kuruma, pour lui rendre hommage? Parce que j'avais écrit de petites choses ici et là, de petites chroniques, pour soit sur ses livres, soit sur un aspect ou un autre de son œuvre. Et là, quand j'ai eu le prix et que j'ai su que je rencontrerais sa femme, parce que je ne l'ai jamais rencontrée, c'était un plaisir certain de pouvoir prononcer quelques phrases en présence de sa femme. Oui, c'était un grand honneur. En 3 secondes, Nimrod, au début d'un essai, d'une préface à un livre de Maurice Maeterlinck, je crois, vous avez mis en exergue « La parole est du temps, le silence de l'éternité ». C'est pas un proverbe, ça? Oui, sans doute, sans doute. Tout de suite, Jacques Bonafé. Bonjour. Cette semaine, avec Michel Butor, Yves Bonnefoy, nous leur dédions Rimbaud, cet extrait des réparties de Nina. Le soir, nous reprendrons la route blanche qui court, flânant comme un troupeau qui broute tout alentour. Les bons vergers à l'herbe bleue, aux pommiers tors, comme on les sent toute une lieue, leur parfum fort. Nous regagnerons le village au ciel mi-noir, et ça sentira le laitage dans l'air du soir. Ça sentira l'étable pleine de fumier chaud, pleine d'un lent rythme d'haleine et de grand dos, blanchissant sous quelques lumières, et tout là-bas, une vache fientera fière à chaque pas. Il y avait eu, hier encore, un âge d'or où la chair était un fruit pendu dans le verger, admirable façon qu'eut Rimbaud de dire la continuité première entre l'être humain et le monde. Et maintenant, c'est l'âge de fer. J'ai embrassé l'aube d'été, dit Rimbaud. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte, les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. La poésie est la mémoire d'instants de présence au monde dans les années de l'enfance, puis celle de la perception du non-être par en dessous ces instants. Et alors celle du doute, celle de cette hésitation que sera la vie, mais c'est aussi une réaffirmation. C'est le vouloir qu'il y ait du sens là où le sens se perdait. C'est un travail assurément, un long travail de transgression dans l'image, non du conceptuel, mais de ses renfermements sur soi, de ses illusions, tâche qu'on peut nommer l'écriture, car il faut des mots, de l'écrit, pour donner pleine figure au rêve dont le désir d'être veut dégager l'intuition qui le garde en vie. Un travail tout au long de l'existence, un travail difficile car le grand dehors cogne fort aux vitres parfois. Il y a des jours, même en poésie, où la foi dans l'être se perd. L'imperfection et la cime. Poème d'Yves Bonnefoy dans « Hier régnant désert ». Il y avait qu'il fallait détruire et détruire et détruire. Il y avait que le salut n'est qu'à ce prix. Ruiner la face nue qui monte dans le marbre, marteler toute forme, toute beauté. Aimer la perfection parce qu'elle est le seuil, mais la nier sitôt connue, l'oublier morte. L'imperfection est la cime. Le poète rejoint René Char. Dieu, ce que cela nomme Dieu, attend, il est ce qui végète en image, enseveli encore et en somme, et pour la première fois, ce qui espère. Il entend ces bruits qui se rapprochent, qui s'éloignent, lourde et sur lui l'humble pensée humaine, lourd le poids du regard épris, les mains fiévreuses, lourd le dos souple de la jeune fille couchée, lourd le feu dans la chambre qui brûle clair. Yves Bonnefoy. Jacques Bonnafé qui lisait Yves Bonnefoy dans la compagnie des auteurs. Un grand merci à lui et merci surtout à mes deux invités d'aujourd'hui, Christiane Kourouma et Nimrod. Nimrod dont je signale au passage la parution, c'était en mars dernier, d'un recueil sur les rives du Chari, district nord de la beauté. Vous le trouverez aux éditions Doucet. Cette émission a été réalisée par Laurence Millet. À la console, il y avait Jacques Hubert et à la préparation, Corinne Amard, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et Eva Le Sceau. Merci également aux équipes techniques de Lyon pour le duplex. Très bon après-midi à toutes et à tous à l'écoute de France Culture.